Jean le Bon était-il vraiment bon ? À l'école primaire, nos instituteurs nous racontaient l'histoire de France à partir des exploits des grands personnages du passé. Le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, héros de la bataille de Marignan, le général Bonaparte entraînant ses troupes au pont d'Arcole, etc., etc. Parmi les souvenirs que j'ai gardés de ces récits, l'un des plus vifs concerne une scène de la bataille qui eut lieu près de Poitiers le 19 septembre 1356. Assailli par les troupes du prince de Galles, surnommé le prince noir, le roi de France, Jean II, ne dut son salut qu'à son fils Philippe, âgé de 14 ans. Resté aux côtés de son père, il le sauva de la mort en criant constamment « Père, gardez-vous à droite ! Père, gardez-vous à gauche !» Tous deux furent faits prisonniers par les Anglais, mais c'est à l'issue de cette bataille que ce roi de France est devenu Jean II, le Bon, et son fils Philippe, le Hardi. J'ignorais alors que le mot « bon » avait été employé par les chroniqueurs de l'époque comme un synonyme de « brave ». En quittant le terrain des exploits militaires qu'affectionnent les adeptes de cette histoire récit, pour observer les réalités socio-économiques de ce temps, j'ai compris pourquoi la bonté n'était pas vraiment la qualité première du roi Jean II. Les débuts de la guerre de Cent Ans et les ravages causés par la peste noire avaient provoqué une pénurie de main-d'œuvre qui affectait fortement l'économie du royaume. C'est pour y remédier qu'en 1351, le roi Jean II promulgua la première ordonnance du royaume de France contre la mendicité et le vagabondage. Ainsi fut inaugurée une politique de mise au travail fondée sur la contrainte. Dans toute l'Europe, la crise économique et sociale avait multiplié le nombre des mendiants valides, suscitant partout des réactions visant à les mettre au pas. L'Église s'employa à légitimer cette forme de domination en présentant le refus de travailler comme une offense faite à Dieu qu'un bon chrétien devait absolument réprimer. En conséquence, il fut interdit de faire l'aumône aux gens sains de corps et de membres, car ceux-ci pouvaient subvenir à leurs besoins en travaillant. La séparation de plus en plus rigoureuse entre les bons et les mauvais pauvres aboutit à rejeter le vagabond valide dans la catégorie des criminels. L'ordonnance de 1351 s'en prend à ceux qui se tiennent oiseux par la ville de Paris. Elle interdit aux ouvriers de fréquenter les tavernes les jours ouvrables et de quitter leur atelier pour chercher un meilleur salaire. Le texte précise que les vagabonds seront pris et mis en prison et mis au pain et à l'eau. En cas de récidive, ils seront mis au pilori et la tierce fois, ils seront signés au front d'un fer chaud et bannis des dix lieues. Ainsi débuta dans le royaume de France la longue histoire de la répression du vagabondage et de la mendicité, répression que la République française reprit à son compte, sous des formes certes adoucies, 5 siècles plus tard. Les délits de vagabondage et de mendicité furent inclus en effet dans la loi de 1885 instaurant la relégation des criminels récidivistes dans les bagnes des colonies. Et il fallut attendre 1970 pour que cette loi soit complètement abolie.